Lettre 46e. La tour de Nesle. Il y a, je crois, environ 2 ans que le drame très extraordinaire, intitulé La tour de Nesle, me fut envoyé, afin que sa lecture me donnât une idée de l'extravagance de l'école dramatique qui s'était emparée des théâtres de Paris. Je ne m'attendais certes pas que cette pièce resterait assez longtemps au répertoire, et continuerait à être vue avec assez de plaisir par les habitants de cette capitale, si vaste et si éclairée, pour que je puisse assister, après 2 ans, à sa représentation dans une salle bien garnie. On ne saurait nier que ce ne soit là une honte pour la nation, mais la cause en est moins dans le manque de goût de la part du public que dans la déplorable erreur du gouvernement qui souffre que tous les genres de vices et d'abominations soient mis, sans aucune restriction ou empêchement quelconque, sous les yeux du peuple qui s'imagine par là jouir d'un privilège désirable et d'une réelle liberté. Et pourtant, dans cette même France, la loi défend de vendre des drogues nuisibles. Il n'y a pas de logique en ceci. Il est cependant incontestable, ainsi que je crois l'avoir déjà dit, que les classes les plus honnêtes de la société de Paris protestent contre cette licence dégoûtante et évitent, par un principe qu'elles proclament et avouent hautement, soit de lire, soit de voir jouer ces détestables compositions. Aussi, quoique les nombreux spectateurs qui accourent toutes les fois que ces pièces se jouent prouvent avec trop d'évidence que ces classes honnêtes ne forment qu'une faible minorité, il n'en est pas moins vrai que leur opinion suffit, ou devrait du moins suffire, pour épargner au pays la honte de regarder de pareilles horreurs comme des beautés. Il paraît que nous nous piquons beaucoup de la supériorité de notre goût à cet égard. Mais nous devrions plutôt nous vanter de notre censure théâtrale. Si jamais les clameurs des partisans du désordre parvenaient à faire abolir cette salutaire contrainte, nous ne tarderions pas, je le crains, à nous voir enlever le privilège de critiquer nos voisins sur ce point. En attendant, il nous a encore permis de sourire un peu en lisant le jugement que M. de Saint-Foy porte de nos compositions théâtrales comparées à celles de la France. Les actions de nos tragédies, dit-il, sont pathétiques et terribles. Celles des tragédies anglaises sont atroces. On y met sous les yeux du spectateur les objets les plus terribles, un mari qui discourt avec sa femme, qui la caresse et l'étrangle. Ne croirait-on pas que l'auteur de ce passage venait d'assister à la fameuse scène du monomane et qu'il avait pris par erreur pour une pièce anglaise? Mais il continue. Une fille, toute sanglante, la fille de Triboulet, par exemple, après l'avoir violée, puis il raisonne, fort justement, à mon avis, sur ce sujet, pourvu toutefois que nous écrivions partout « Angleterre pour France » et « France pour Angleterre ». Il n'est pas douteux que les arts agréables ne réussissent chez un peuple qu'autant qu'ils en prennent le génie, et qu'un auteur dramatique ne saurait espérer de plaire si les objets et les images qu'il présente ne sont pas analogues au caractère, au naturel et au goût de la nation. On pourrait donc conclure de la différence des deux théâtres que l'âme d'un Anglais est sombre, féroce, sanguinaire, et que celle d'un Français est vive, impatiente, emportée mais généreuse, même dans sa haine, idolâtrant l'honneur, sans doute comme ce Buridan, dans ce même drame de la tour de Nesle, ouvrage si goûté de la jeune France, de la France régénérée, idolâtre l'honneur et ne cessant jamais de l'apercevoir malgré le trouble et toute la violence des passions. Quoiqu'il ne soit pas possible de lire sans sourire ce passage, dans un moment où il est si facile aux Anglais de rétorquer contre ce patriotique écrivain ses propres paroles, malgré cela, dis-je, il faut gémir, en songeant au déplorable changement qui a eu lieu dans le sentiment moral de la France révolutionnée depuis l'époque où ce passage a été écrit. Que dirait Saint-Foy de l'idée que Victor Hugo a fait trembler la terre sous les pieds de Corneille et de Racine? Mais il a répondu d'avance à cette question dans un court passage de ses Essais historiques sur Paris où il s'exprime ainsi. Je croirais que la décadence de notre nation serait prochaine si les hommes de 40 ans n'y regardaient pas Corneille comme le plus grand génie qui ait jamais été. Si l'âme de cet historien revenait sur la terre et planait au-dessus d'un groupe de critiques parisiens, condamnant son auteur favori, il retournerait probablement au séjour des ombres, fort content d'eux. Car comme il entendrait répéter d'une voix unanime « Rococo, rococo, rococo », il s'imaginerait sans doute que c'est un mot nouveau, inventé pour exprimer, le plus laconiquement possible, le plus haut point de respect, d'admiration et de plaisir. Mais pour en revenir à la tour de Nesle, le sujet de cette pièce est pris d'un passage des Femmes galantes de Brantôme, où il dit qu'une reine de France, que toutefois il ne nomme pas, mais que l'on prétend avoir été Marguerite de Bourgogne, femme de Louis X, se tenait là, à la tour de Nesle, d'ordinaire, laquelle, faisant le guet aux passants et ceux qui lui revenaient et lui agréaient le plus, de quelque sorte de gens que ce fussent, les faisait appeler et venir à soi et après, les faisait précipiter du haut de la tour en bas, en l'eau, et les faisait noyer. « Je ne veux pas, continue-t-il, assurer que cela soit vrai, mais vulgaire. Au moins la plupart de Paris l'affirme, et il n'y a si commun qu'en lui montrant la tour seulement et en l'interrogeant que de lui-même ne le dise. » On pouvait penser que cette histoire était déjà par elle-même suffisamment horrible et dégoûtante. Mais messieurs Gaillardet et X, ce sont là les noms que porte l'affiche, en ont jugé autrement. En conséquence, ils ont introduit dans la pièce les sœurs de Sa Majesté, Mesdames Jeanne et Blanche de Bourgogne, qui avaient aussi épousé des fils de Philippe le Bel, père de Louis X, pour prendre part à ces orgies nocturnes, et conformément à l'usage adopté aujourd'hui parmi les auteurs dramatiques en France, ils ajoutent l'inceste pour augmenter l'intérêt du drame. En voilà assez et même trop sur ce qui regarde l'intrigue. Quant à l'exécution ou au dialogue, tout ce que j'en puis dire, c'est que, littérairement parlant, il est à peu près à la hauteur des traductions des libretti qui se vendent dans la salle de l'opéra. La pièce est en prose et, à mon avis, en prose très commune, et pourtant elle est, non seulement au courant du répertoire, mais encore, on m'assure, que la brochure s'est vendue et se vend encore en nombre prodigieux. Qu'une histoire terrible et même dégoûtante, parée de tout le luxe d'une poésie majestueuse, et rachetée, en quelque sorte, par les nobles sentiments des personnages qui paraissent sur la scène, qu'un drame ainsi composé puisse captiver l'imagination tout en révoltant le cœur, rien n'est plus possible, plus naturel, et ne saurait être un sujet de reproche pour le poète. Les tragédies classiques, qui pendant longtemps ont servi de modèle à la France, abondent en fables de ce genre. Alfieri aussi s'en est servi, et en vrai poète, il a peint l'inflexible destinée, effrayante par son horreur, mais sublime par le pathétique et la dignité. De la même manière, les grands écrivains dramatiques de France ont triomphé, par le pouvoir de leur génie, à la fois du dégoût qu'inspiraient ces affreux mystères classiques et de l'inflexible sévérité des lois que leurs antiques modèles avaient prescrites pour leur composition. Si nous trouvons que le goût, sous le rapport du sujet, ait été fautif, la grâce, la majesté, la dignité de la marche tragique dans tout le cours de l'action, les sentiments élevés, les nobles élans de passion, les beaux vers dont tout était revêtu, doivent nécessairement exciter notre admiration au point d'égaler presque celle que nous fait éprouver la liberté complète et enchanteresse de nos drames nationaux. Mais que devons-nous penser de ceux qui, après avoir compulsé les pages de l'histoire, afin de découvrir tout ce qu'elle renferme de plus révoltant pour l'âme humaine, se mettent, tranquillement, à la diviser en scènes et à l'arranger pour le théâtre, en exagérant à l'excès les détails les plus horribles. Leur unique but est d'exciter la curiosité de leurs concitoyens, et par ce moyen, de leur faire contempler des scènes dont la vertu devrait s'éloigner avec horreur et dont le seul aspect flétri et tue l'innocence. Là, pas une pensée de remords ou de repentir, pas un éclair de vertu auquel le cœur puisse se rattacher, pas une étincelle de nobles sentiments, rien que le vice dans toute sa bassesse, dans toute sa brutalité, depuis le moment où la toile se lève, pour montrer au regard cet obscène spectacle, jusqu'à ce qu'elle se baisse, laissant d'un côté des infamies imaginaires et de l'autre une tache de véritable impureté. Pendant que je contemplais cette hideuse scène et que je rappelais à mon souvenir les classiques horreurs des auteurs tragiques grecs et de leurs illustres imitateurs, je ne pus m'empêcher de me dire que l'œuvre de messieurs Gaillardet et X ressemblait beaucoup à celui d'un singe cherchant à imiter les actions d'un homme. Il saisit les mêmes outils, mais les tourne dans le mauvais sens, et au lieu d'élever un monument majestueux qui honore le génie humain, il roule ses matériaux dans la boue, salit ses propres mains et souille tous les passants par les ordures qu'il a ramassées. De pareils singes devraient être liés pour les empêcher de nuire. Il n'est pas possible de croire que des drames tels que la tour de Nesle ait été composé dans l'intention de produire un grand effet tragique, seul motif pour lequel il puisse être permis de mettre le crime et le malheur sous les yeux du public. Il y a dans le cœur de presque tous les hommes un amour étrange pour les scènes d'effroi et de douleur. Nous aimons à sentir éveiller nos sympathies, exciter nos sensations les plus profondément cachées. Nous aimons à étudier dans le miroir magique de la scène ce que nous éprouverions nous-mêmes si des infortunes aussi terribles venaient nous accabler. On ne saurait exprimer l'intérêt que nous trouvons à nous dire que si telle chose nous arrivait, ce serait ainsi que nous agirions, que nous sentirions, que nous souffririons, que nous mourrions. Mais y a-t-il un lieu sur la terre où il existe un être assez abandonné, assez vil, pour sympathiser avec un seul des sentiments, une seule des scènes de la tour de Nesle? Il faut prier le ciel qu'il ne s'en trouve pas. J'ai entendu parler de poètes qui ont écrit sous l'inspiration de l'eau de vie et du laudanum, dont les vapeurs n'ont certes pas dû leur présenter des images bien distinctes ou bien belles. Mais l'inspiration qui dicta la tour de Nesle était sans doute plus vile encore, quoique non puissante. C'était apparemment le cruel calcul du nombre de pièces de 5 francs qu'il serait possible de tirer de la poche des oisifs, par un spectacle que son atrocité rendait neuf et sa nouveauté attrayant. Mais, mettant de côté pour un moment le crime et le scandale qu'il peut y avoir à exposer sur un théâtre public un être semblable à la femme à qui messieurs Gaillardet et X ont trouvé bon de donner le nom de Marguerite de Bourgogne, il pourra être assez curieux d'examiner le mérite littéraire d'une pièce qui, tant sur le théâtre que dans le cabinet, a été accueillie par des milliers, que dis-je, des millions peut-être, de citoyens de la grande nation, comme un ouvrage digne de leur protection et de leur suffrage. Remarquez que l'époque pendant laquelle ils ont suivi et applaudi cet ouvrage a été une époque où l'esprit humain, toujours en progrès, a marché vers le perfectionnement et avec plus de rapidité que jamais, une époque pendant laquelle la jeune France, rejetant son costume suranné, s'est efforcée de revêtir un éclat encore inconnu. Durant cette époque, elle a déposé d'un côté son corneille jadis vénéré, son racine autrefois l'objet d'un culte. Molière n'est plus nommé que comme une belle pièce d'antiquité, et Voltaire lui-même, en dépit de ses droits à leurs affections révolutionnaires, est presque honni pour avoir dit d'un de ces hommes que Victor Hugo a renversé qu'ils enseignèrent à la nation à penser, à sentir, à s'exprimer. Leurs auditeurs, instruits par eux seuls, devinrent enfin des juges sévères pour ceux-mêmes qui les avaient éclairés. Toute personne, de qui la raison n'est pas bouleversée par la fièvre et le délire de l'innovation, n'a qu'à se demander, en lisant la tour de Nesle, si elle y trouve une seule scène, un seul discours, une seule phrase qui mérite le suffrage que Paris lui a accordé. Le dialogue se recommande-t-il soit par la dignité, soit par l'esprit, soit par la vérité, soit par le naturel? Y a-t-il, dans tout le cours des 5 actes, un seul sentiment avec lequel un honnête homme puisse sympathiser? Y a-t-il même, dans les tableaux, une apparence de grâce ou de beauté? Les scènes sont-elles disposées avec art? Les personnages, ou pour mieux dire, les démons, que messieurs Gaillardet et X ont rassemblés, conservent-ils du moins leur caractère jusqu'à la fin? En un mot, cette pièce offre-t-elle un seul genre de mérite, si ce n'est d'être un outrage perpétuel à la décence et au bon sens? Si parmi les hommes de la France, je ne parle pas de ces adolescents, petits enfants gâtés de la vieille révolution, si, dis-je, parmi ces hommes il en reste quelques-uns qui déplorent cette éclipse de sa gloire littéraire, n'est-il pas triste de penser qu'il soit forcé de la tolérer, de peur d'être envoyé à âme pour avoir porté atteinte à la liberté de la pensée? Il est impossible d'assister à la représentation d'une de ces infâmes pièces sans reconnaître, en jetant les yeux autour de la salle, quels sont ses protecteurs et ses soutiens. Le jour que nous vîmes jouer la tour de Nesle, il y avait, non loin de nous, 3 jeunes gens d'une tournure tout à fait républicaine et dont le costume était à l'avenant. Ils relevaient la tête et aspiraient l'air théâtral de la jeune France, comme s'ils eussent senti qu'ils devaient être ses maîtres. Et il est incontestable que rien d'absurde et d'inconvenant ne s'est fait ou débité sur le théâtre, qu'il n'est accueilli par des marques toutes particulières d'approbation et d'admiration. En attendant, leur regard indiquait une détermination aussi insolente d'être absurde que je suis persuadé qu'ils sentaient eux-mêmes tout le ridicule des choses qu'ils applaudissaient et que par conséquent ces jeunes fous n'étaient pas tout à fait aussi sots qu'ils cherchaient à le paraître. Mais il faut convenir pourtant qu'il est de bien mauvais ton d'affecter un vice que l'on n'a pas, et que cette hypocrisie est pour le moins aussi détestable que tout autre. Dans quelques mille ans d'ici, si des amateurs de vieux bouquins conservent des recueils de drames français d'aujourd'hui, il est possible qu'en laissant aux époques passées les noms qui leur ont été donnés de siècles de fer ou d'or, de siècles d'Auguste ou de la Renaissance, celui dans lequel nous vivons recevra la dénomination de siècle diabolique, à moins, toutefois, que quelques critiques charitables ne s'élèvent pour prendre notre défense et ne proposent de l'appeler le siècle de l'idiotisme.